Je trouve que Jean-Claude Duss est la pierre angulaire du Splendid. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Dites-moi, justement, je cherche un sujet de reportage, vous n'avez pas une petite idée? Voilà, vous êtes tombé juste, le Café Théâtre, le Splendid. Il y a deux satires, un petit peu, hein. Il y a le satire donc d'un club de vacances, et puis il y a la satire du milieu théâtral. Comment vous êtes retrouvés? Est-ce que vous êtes tous des acteurs professionnels, ou au contraire? On adorait travailler, on adorait écrire et surtout on adorait rire. On vivait ça, on se disait bon, dans 30 ans, dans 40 ans, pour écrire, nous nous sommes tant marrés. Tu le sens pas là? Bah le fais pas, t'as raison. Gigi Rally. Bonjour, je suis de Paris. Bonjour. Oh bah ça tombe bien, mon frère est gendarme. Alors je suis Riley, je suis votre chef de village, entouré d'une équipe de géo formidable, Annabelle. Wouh! Responsable sport de combat. Yes! On est également avec Charlie qui tient le bar. Bonsoir! Tout à fait, spécialité cocktail. Et on est avec Clément qui est lui le chef du body painting, c'est ça? Bip bip! Ouais! Et on est avec Sartman qui est responsable massage thaïlandais. Tout à fait, et viril et plein de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc, vous l'aurez compris ou pas, on va revenir dans ce podcast sur la troupe d'humoristes Le Splendid, qui a marqué notre jeunesse. À nos âges, ouais. En tout cas, pour notre génération. Ouais, ouais. Enfin, l'histoire de la comédie française. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots, c'est pour ça qu'on fait un podcast sur Le Splendid. J'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis la l'Adagio d'Albinoni, j'avalais deux tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Alors pourquoi c'est drôle, pourquoi c'est culte? C'était drôle à l'époque, mais on va peut-être remettre un peu dans le contexte. Est-ce qu'on va faire bip bip? On va faire bip bip. Alors on va d'abord regarder le film ensemble et après on va en parler. Attends, on le regarde là maintenant? On le regarde tout de suite. Moi demain je travaille de bonne heure, hein, j'ai pas le temps. On va regarder Les Bronzés, sorti le 22 novembre 1978 et réalisé par Patrice Lecomte et écrit par la troupe, enfin par l'équipe du Splendid même. C'est écrit dans en Blu-ray, on regarde un Blu-ray? On regarde un Blu-ray, la version remasterisée, je crois. Quand même. Donc, bah, c'est parti, lecture, c'est parti. Bip bip. Le soleil. Où c'est? Dans 18. Putain, alors, putain, c'est le générique. C'était ça n'a excellent. Pas vieilli, ça n'a pas vieilli. 6, non. Non. Bah, on va en parler. Donc on vient juste de regarder les Bronzés. On s'est quand même bien marré. C'était cool. De 1h32, magnifique. J'ai retrouvé des choses que j'ai jamais vues. Hein. C'est vous, hein. À chaque nouvelle vision, c'est incroyable. Et ça passe très vite, 1h32. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut pitcher un peu l'histoire, même si tout le monde un peu la connaît? Qu'est-ce que c'est l'histoire des Bronzés, finalement? À part une succession de sketchs. Une histoire d'amour, des histoires d'amour. Non, le pitch du film, bah, c'est alors, Charlie. C'est très... Pratiquement, c'est une bande de gens qui se connaissent pas, qui partent en vacances dans un club med, je sais pas si le nom est jamais cité, je suis pas sûr, ça m'étonnerait. Et voilà, il va se passer ce qui se passe dans toute vacance, c'est des histoires d'amour, des histoires de cul, des trahisons, des blagues, des vengeances, des choses comme ça. De l'amitié également. De l'amitié, bien sûr. Le début d'une grande amitié parmi les protagonistes qu'on retrouve. Enfin, ça, on pourrait y revenir, hein, parce que de l'amitié, il n'y en a pas tant que ça, finalement, je trouve, dans le film. Je te trouve un peu dur. C'est une bande de potes, quoi, qui vont aller au ski après ensemble. Voilà. Il y a une amitié qui se crée pendant cette semaine, mais une amitié temporaire. C'est ça, c'est un petit groupe qui. Ah, ils passent ses vacances ensemble, mais on n'a pas l'impression qu'ils vont rester en contact. Éphémère, tout à fait éphémère. Un peu comme un tournage, finalement. Bon, on va en parler le long du podcast, mais c'est un film de potes aussi. Ça se voit tout de suite. Quoi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Donc la troupe du Splendid, on peut les citer, c'est Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Bruno Moineau, Dominique Lavanant, Martin Lamotte, Michel Creton, Louis Rego, ils sont dans le film. Alors Michel Creton faisait partie du Splendid, enfin officiellement, c'est une question. Officiellement, bah, il n'était pas dans la pièce, en tout cas, Amour, coquillage et crustacé, dont on va parler un peu après, mais qui est en fait l'adaptation de pièce de théâtre en film. Donc déjà écrite par la même bande, non? Bip bip! C'était leur dernière pièce, mais ils avaient déjà fait au moins une dizaine de pièces. J'ai d'ailleurs noté les noms de leurs pièces d'avant qui ont plus ou moins marché. Et d'ailleurs, ça marchait tellement pas que quand on leur a proposé de partir faire des spectacles au Club Med, ils ont accepté. C'est là qu'ils ont écrit le film. Ils ont fait 3 ans de Club Med l'été à roder leur spectacle et à baiser 3 tonnes de meufs. Ça, c'est ils ont pas dit, mais 3 tonnes combien déjà? 3 tonnes 8. 3 tonnes 8. 3 tonnes 8, ouais. Oh putain. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Donc cette pièce de théâtre, Amour, coquillage et crustacé, bon, moi je ne l'ai pas trouvée, vous non plus. Non, non, bah des extraits. Il y a des extraits sur YouTube, mais il n'y a pas d'enregistrement disponible, en tout cas officiellement, de cette pièce, donc on ne l'a pas vue. Mais il y a quelques personnes qui racontent. Je cite, hein, les acteurs dansent en slip géant et ça donne en ski nautique ou font du toboggan les conduisant dans les caves du théâtre. Donc ça devait être très très marrant. C'est quoi, c'est une critique de l'époque ça? Non, non, c'est quelqu'un qui raconte, qui a vu la pièce et qui raconte que... Bah, que ça se passait comme ça. C'était assez délirant. D'ailleurs, le premier nom de la pièce s'appelait Rallume, il y a un moustique. Je sais pas pourquoi ils ont changé de titre. Bah, en hommage à la fin du film. Est-ce qu'on devrait pas appeler notre podcast comme ça, Riley? Rallume, il y a un moustique, c'est absolument génial. Et alors, le titre a été trouvé en fait par Josiane Balasco qui fait référence à Pain, Amour et Fantaisie, une comédie italienne de 1953. Si elle raconte un petit peu, Josiane. Ouais, elle est intello quand même. Mais bon, ça sonne mieux en tout cas que le film. Et donc, ouais, c'est toute la pièce de tête, tout simplement, c'est des scénettes qui se passent au Club Med. Il n'y a pas vraiment de lien entre les personnages et c'est des sketchs, tout simplement. Patrice Lecomte et les Bronzés, ou le nouvel humour venu du Café Théâtre. Bronzés. Voilà, les Bronzés qui étaient le premier film sur le Club. Sur le club. Pas le droit de venir. Alors, dans ce podcast, on reparlera régulièrement de la troupe du Splendide, donc on va pas revenir sur l'origine de la troupe, peut-être à chaque épisode. Il y aura un préquel pour ça, forcément. Voilà, effectivement. Dans le Splendide Universe. Oui, ça mérite deux mots. Bah, donc, c'est des copains de lycée, en fait, d'un lycée de Neuilly, donc Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot, qui se sont mis à faire du théâtre au lycée. D'ailleurs, Gérard Jugnot s'occupait du ciné-club du lycée. Oui, parce que c'était lui qui était le plus à fond, non? C'est pas Jugnot qui était le plus Jugnot à fond? Jugnot était plus à fond dans le cinéma, en fait. Qui voulait même réaliser tout ça très très très vite. Et alors que leur première pièce est écrite par Michel Blanc, qui s'appelle La concierge est tombée dans l'escalier. Bon. Eh, dis donc, parce qu'éventuellement, il y aurait des ouvertures avec ta femme? Bon, je vais me coucher, moi. Tous les titres des Splendides, à part Les Bronzés, qui est un titre qu'ils n'ont pas choisi, en fait. C'est toujours un peu des expressions comme Papy fait de la résistance, ou effectivement Le Père Noël est une ordure. Ou Non, Georges n'est pas ici, Les espions du consortium, Le hérisson démoniaque, hein, qui risque d'être propagé des cires, et Je fais craquer et Ma tête est malade, qui sont les deux pièces qu'ils ont tournées, en fait, quand ils faisaient le Club Med. Il y a des affiches d'ailleurs qu'on peut retrouver sur internet. Et ils ont été rejoints plus tard par Marianne Chazelle, Bruno Wano, Josiane Balasco. C'est là qu'ils ont vraiment développé plus cet esprit de groupe en les cafés théâtres et en finissant au théâtre du Splendide. Et un truc sympa que je savais pas, c'est qu'avant leur spectacle et pendant les entractifs, il y avait des fausses pubs qu'ils diffusaient, qu'ils avaient tourné avant, qu'ils diffusaient dans le théâtre. Moi j'en ai vu 2-3 et c'est assez rigolo, ça préfigure un peu le truc des nuls. Tout à fait, ouais. Ils sont vachement précurseurs. Et c'était justement pour... Projeter dans le théâtre, c'était pour faire... pour essayer de faire venir des gens au théâtre qui soient une expérience différente, quoi. Bon, le temps qui nous est imparti est très, très, très, très court. Alors juste deux mots sur la poésie. Monsieur L. Non, ce que moi je voudrais dire, c'est que j'ai demandé un déca. Je voudrais vraiment être sûr que c'est un déca, parce que si c'est un café, je ne dormirai pas. Et c'est une plaisanterie qui ne serait pas drôle du tout. Je comprends. Autrement, j'aime beaucoup la poésie, mais je suis très inquiet. Patrice Lecomte, il se démerde bien. Hein. Non, mais grave. C'est pas un film marquant pour sa mise en scène, en tout cas, Les Bronzés. Mais à l'époque, Patrice Lecomte, il avait jamais fait qu'un seul film. Qui était, d'ailleurs, tu as le titre? Les WC étaient fermés de l'intérieur. Voilà, quel bon titre, merci. C'était sorti, non, mais je merci, sais plus, Charles. 1 ou 2, 3 ans avant, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et qui avait fait un four total, qui avait été un bid monstrueux. Enfin, il a été imposé par l'équipe du Splendide pour réaliser le film, alors que justement, il sortait d'un bid. La pièce a été adaptée par nous-mêmes. Pour faire un film qui s'appelle Les Bronzés, et dont le metteur en scène était... Et réalisateur, et Patrice Lecomte. Le producteur Yves Rousset-Rouard, hein, qui avait produit Emmanuel, un ami de la tante de Christian Clavier, donc comme quoi c'est tout ça, c'est piston, il n'était pas trop partant pour Patrice Lecomte. Ben non, forcément, vu que le précédent n'avait pas du tout marché. Et ouais, il a eu tort, parce que Patrice, il fait des trucs très cool de mise en scène et de réalisation, et toujours qui sert le propos du film. Tu l'as noté pendant qu'on regardait le début du film, il y a le premier travelling à l'intérieur, on voit dans le bus, à l'extérieur, où on voit à l'intérieur le bus les nouveaux clients, et on découvre en fait tous les personnages du film. Une vraie introduction. Je suis assez d'accord, mais après, quels autres exemples tu as de... Alors moi j'ai noté très peu d'utilisation de chant contre chant, parce que je pense qu'il a toujours envie de les mettre ensemble. J'ai noté ça plusieurs fois, parce qu'on est vraiment comme du théâtre filmé, je trouve. sur beaucoup de scènes, alors que quand même on est dans un, nous sommes dans un décor en extérieur pour la plupart du temps, donc on a quand même envie de bouger et tout ça, mais au final on reste sur les personnages et il les met toujours ensemble. Il y a vraiment très peu de gros plans isolés. C'est un vrai film de bande de troupes, il n'y a pas de personnage principal. C'est l'histoire de 10 personnages principaux. Et que c'est ces 10 personnages principaux avec les autres, une esthéticienne, vieille fille aigrie. Jouée par une vieille fille. Un animateur de cabaret parisien. Dominique Lévenant, Louis Rigaud. Et Louis Rigaud, et que, et en Michel fait, Croton. Bon, c'est l'histoire Michel du club. Mais, au bout du compte, c'est un travail d'équipe, quoi. Il y avait d'autres réalisateurs envisagés, il y avait Coluche qui s'était proposé pour faire, en disant « Le compte, il est nul, prenez-moi voilà. ». C'était son argument. Coluche, attends, Coluche voulait réaliser. Moi aussi. Coluche avait adoré la pièce de théâtre. Il a réalisé aucun film, Coluche. Bah, si. Il voulait réaliser le film. Et non, parce qu'effectivement, le nom de Lecomte faisait peur. Parce que il était accroché à cet échec qu'il avait eu précédemment. Effectivement, les amis du Splendide avaient peur de Patrice Lecomte. Ouais. Prenez-moi qui ne sait pas faire des films plutôt que ce mec. Le troupe du Splendide ne voulait pas que Coluche mette sa patte sur le truc. Parce que Coluche aussi était un humoriste de la même époque que le Splendide. Il n'était pas sur la même genre d'humour et sur les mêmes, le même public en fait. Et donc ils avaient peur que Coluche, avec sa forte personnalité, s'approprie un peu trop le projet. Ici on a surtout un cri de guerre, hein. Bip bip bé. Alors vous voyez, on se barre quoi. Et il y a aussi Jean-Jacques Hano qui était envisagé pour les Bronzés. Ça se serait passé au Tibet. Tu vas voir au Tibet avec des tigres et des ours, ça aurait été aussi intéressant. Et donc finalement c'est le Splendide qui était pote avec Patrice Lecomte. En fait ils étaient sur la même longueur d'onde, comme dit Patrice Lecomte. Il avait le même âge qu'eux, il était là pour se marrer. C'était leur pote qui apparaissait pas à l'écran. Mais... Ah bah alors justement, mais qui était là et qui apparaît un peu. Qui fait un caméo. Qui fait un ou deux caméos, un avec où il parle. Il y a dans la scène de la peinture, je crois aussi, du body painting. Peut-être bien, ouais, effectivement. Ah. Ouais, pour dire aux gens qu'on peut-être pas vu, donc c'est la scène où Jean-Claude Duss se retrouve avec une tarte à la crème sur la gueule. C'est ça. Exactement. Et il se retrouve à la fin de la scène. Vers la fin du film, quand même. Ouais, et à la toute fin du scène, il se retourne vers un mec, il dit vous partez dans 8 jours, vous partez demain. C'est court 8 jours. Voilà. C'est court 8 jours. Quand il manque la cerise. C'est Patrice. Il manque la cerise sur le gâteau. Ça fait chier, merde, tout le temps, c'est les fêtes. Partez dimanche ? Oui. C'est court, 8 jours. Si on veut parler 2 minutes de scénario, c'est vrai que c'est efficace et tout, mais c'est surtout une suite de sketchs qui fonctionne très très bien. Il y a un vague fil rouge entre qui va baiser qui va là, les gens qui sont malheureux quand ils arrivent. À un moment, ils pensent qu'ils vont être. Ah ben non, finalement, ils sont malheureux quand ils repartent. Enfin, il y a une légère évolution, mais c'est pas, la structure n'est vraiment pas l'évolution des personnages. Oui, ça va dans tous les sens. Mais... ou une intrigue à résoudre. C'est vraiment une suite de sketchs qui fonctionne très bien. Et entrecoupé du mec en jet ski. Voilà, c'est ça le fil rouge. Avec trois fois une scène de jet ski, qui n'a pas trop de sens dans le film. Moi, j'ai toujours pas compris cette scène. Peut-être en parler. Bah, moi, je pense qu'elle sert à ponctuer le film. Que c'est, à faire les trois que actes. C'est une sorte de gimmick qui revient avec la progression du mec, quoi. Qui finit par y arriver. C'est vrai. Le film progresse, les couples se font et se défont, les amitiés naissent et le mec sort de l'eau. Et il finit par dire j'en ai pris plein les fesses ou un truc comme ça. Plein le cul, je crois qu'il dit. Plein le cul. Mon cul. Plein mon cul. Merci Clément. L'équipe des sports de Galas Winda est heureuse d'offrir le champagne à notre ami le grand Lenny qui a réussi à sortir en stylo. Après 14 essais! Tourne autour de Popeye quand même, ça va être le leitmotiv des autres films. Ah non! Moi je suis sur Bernard et Nathalie quand même un peu plus. C'est juste que Popeye il travaille à chaque fois sur le lieu de. Ouais, de je suis vacances, d'accord, je suis un peu d'accord avec Clément quand même. Popeye le héros, vous êtes fou amoureux de Popeye? Sans dire que c'est le héros. Pas le héros. C'est un héros positif, il y a aussi des anti-héros, mais c'est. Je trouve lui. Popeye donc joué par Thierry Lhermitte. Absolument. Moi je suis persuadé que si on minute les temps d'apparition des personnages, c'est de l'égalité. Je suis sûr et certain que c'est égalité. Et même on voit beaucoup Christiane esthéticienne. Ouais, plus que dans les Bronzés Fondifiés. Et moins Gigi que dans mon souvenir. Oui, ouais, c'était souvenir également. D'adolescent peut-être qui Gigi, parle. Gigi, t'as plus marqué peut-être. Le pas. Short de Gigi. Ça c'est tout moi, j'ai gaffé. Oh mais rassure-toi Nathalie, c'était uniquement sexuel entre nous. Ça me rassure. Point Jean-Claude Duss. Quand j'étais petit, Jean-Claude Duss c'était mon personnage préféré évidemment. Évidemment. Parce qu'il a déjà physiquement, il est à mourir de rire. Pourquoi il te ressemble? Peut-être je me retrouve dans Jean-Claude Duss. Les algues dans le caleçon. Les algues dans le caleçon, le sac de couchage comme tu dis, ou quoi, il fait du karaté quoi. C'est. Effectivement, c'est une bonne question. C'est celle de son personnage préféré et celle du personnage à qui on s'identifie le plus. Ouais, tout à fait. Le loser. En fait, c'est tous des losers. C'est tous des losers. Ils ont tous des défauts, mais affreux. Oui. C'est tous des, oui, c'est tous des cons. Un peu comme nous. Un peu comme tout le monde. Ouais. Il y avait cette, j'avais entendu en interview, je sais plus, du Splendid parler. Alors pour le coup, c'était pour la sortie des Bronzés Fond du Ski, et ils avaient dit, on comprenait pas parce que dans le premier, quand on avait écrit les Bronzés, on avait l'impression d'avoir écrit des personnages odieux, détestables et tout, et les gens avaient adoré, avaient voulu. Et eux, ils avaient pas compris pourquoi. Et ils se sont aussi adressés à un public qui va dans ce genre de club, en fait, qui a les moyens, pas trop mais assez, pour aller dans ce genre de club. C'est tout un autre public qui est humour qu'on retrouve pas en fait ailleurs dans les années 70 en France, en tout cas. Ce que fait pas Coluche par exemple, ce que faisait pas Des Proches, c'est pas le même public que Pierre Des Proches. Nous n'aimons pas la poésie, mais enfin, il en fout, hein. Mais nous n'avons pas tellement le temps parce que nous regardons la télévision 12 à 14 heures par jour, vous comprenez. Nous sommes de gros consommateurs de télévision, je comprends. C'est une recette qui a été reprise il y a plusieurs années, mais dans les années, pour le coup, 2000, avec Camping de Franck Dubosc. C'est exactement la même démarche, pour le coup. Parler d'un certain mode de vie, d'un certain se moquer des clichés. Sauf que dans les Campings et compagnie... Pas la même qualité de scénario. Je trouve que je suis d'accord avec eux, qu'en fait, à la fin, on n'en aime vraiment aucun. Enfin, on n'est pas à fond sur un personnage, mais on est à fond sur une troupe. Exactement. Sur une bande de copains. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas un... Enfin, moi, perso, il n'y a pas un personnage où je me dis, lui, il est vraiment génial et tout. Ok, Jean-Claude Duss, il est super drôle et tout, mais au final, quand on creuse chacun, je trouve que ce qu'on retient, c'est les relations et non, pas le personnage. Fait, et même à chaque vision, t'as un nouveau personnage préféré. Quand t'es petit, tu peux faire Jean-Claude Duss parce que tu comprends pas les blagues de cul, mais dès que tu grandis un peu, t'as envie d'être Popeye et tout. Bien sûr, et après, Bourseau. Non, t'as pas envie d'être Bourseau. Bip. C'est le principe de ce genre de comédie où les personnages sont très archétypaux. On est presque dans des sitcoms. L'humour vient de la confrontation aussi. C'est pour ça qu'on peut pas dégager un personnage, parce que le personnage est drôle confronté à quelqu'un d'autre. Il a un problème, le peignoir, c'est super drôle parce que c'est Gigi qui le... Enfin, c'est Christiane qui le dit à Jean-Claude. Tout est con. À chaque fois, t'es l'intérêt d'avoir des personnages très archétypaux, c'est que tu les mets les uns en face des autres, et c'est des opposés. Ils sont à des extrémités du spectre, et quand ça se rencontre, ben, ça fait des situations à chier de rire. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nippe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean-Perse. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Perse. On parle aussi de la caractérisation des personnages et aussi cette scène. C'est la deuxième scène où on voit donc les clients arriver. On a eu quelques scènes avec les géos. Et ils rencontrent tous Louis Rego et son pote là, et le patron là. Et chacun va avoir une ou deux répliques et ça définit le personnage. Jean-Claude a perdu sa valise. Bernard a perdu sa femme. Il était avec une autre femme. Il a perdu sa femme. J'ai perdu ma femme, oui, et j'ai dormi avec cette dame charmante dans les sanitaires. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Ce couple qui se déchire, et t'as Gigi qui finit par arriver et qui prend leur place, qui expulse tout le monde, et tout le monde ne regarde que Gigi. Enfin, c'est voilà, et en une réplique. Non, mais ça c'est des trucs de théâtre en fait qu'ils ont gardé, c'est super efficace. Et voilà, ça c'est un vrai bon travail efficace, effectivement, de personnalisation des personnages, définition des personnages le plus rapidement possible pour que le spectateur puisse identifier effectivement à qui il a affaire. Bonjour. Bonjour. Gigi Ravi. Bonjour. Claude Duss de Paris. Bonjour. Bernard, enchanté. Dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Ah, ça. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. Ah ouais, c'est drôle. Aussi, c'est un peu ce qui fait la marque de fabrique un peu du Splendid. J'aime bien rappeler, c'est que c'est pas que des bonnes vannes non plus, c'est pas que des traits de dialogue, c'est aussi plein de gags visuels ou plein de gestuels ou plein de grimaces ou plein de choses qui font aussi que c'est drôle, quoi. Et que ça peut plaire à un public assez large finalement. Faire une bonne comédie, il faut aussi être très très intelligent et exploiter à fond le sous-texte, la mise en scène, tous ces petits détails du langage cinématographique pour faire des bonnes vannes. Et comme tu dis, les gestuels qui sont propres à chacun, quoi. La façon de marcher de Gigi qui n'a aucun sens avec ses petites mains sur les côtés, voilà, c'est fantastique quand même. Et la façon de sourire de Popeye en beau gosse avec ses cheveux, il va travailler pour quoi? Pour Petrolane. Alors avec les cheveux, quoi, enfin, c'est fantastique, quoi. C'est ça. Ils ont tous une belle fin, lui il va bosser pour Petrolane. Enfin, il a une proposition. Il a passé tout le film à remettre sa mèche, enfin, c'est tellement génial, Petrolane. Je suis rentré à la maison. Ma femme était allongée dans le lit, avec le matériel. Avec quoi? Avec Mémé, le chef du matériel. C'est un espèce de pauvre mec qui reste hors saison pour entretenir, là. Écoute, papa, il faut pas dramatiser. T'es pas le premier à qui ça arrive, quand même. Ça, évidemment, toi, tu dois être abonné, le chef de gare. Est-ce qu'on peut parler d'une thématique importante, je pense, qui est le slip, les slips de Jérôme. Mais peut-être aussi, avant de parler du slip de Jérôme, on va faire une introduction slip sur le slip de Jean-Claude quand il est rempli d'algues. Je crois que Charlie avait une anecdote. Ah, Charlie. Ah, ouais, c'est une anecdote que tous les gens qui ont halluciné connaissent, donc ça n'a aucun intérêt. Mais moi, j'ai halluciné. Je ne la connaissais pas. Alors voilà, c'est de l'algue qui a été importée spécialement de Bretagne. Car il n'y a pas d'algues là-bas. Le tournage du film, car il n'y avait pas d'algues en cet endroit de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas exactement où ça a été tourné, mais Côte d'Ivoire. Et il n'y avait pas d'algues. Assini. Assini, absolument. Merci, merci Rayleigh. Je suis allé, moi, j'étais géo. Mais moi, j'aime beaucoup cette thématique des slips parce que, pareil, c'est une très bonne manière de caractériser les personnages. Parce que, donc, c'est ça. C'est vrai. Non, Popeye mais a d'accord. Un slip blanc, magnifique, sûr de lui, grand. Trop grand. Beaucoup trop grand, beaucoup parce qu'il se voit un peu trop grand, peut-être. Exactement, Popeye. Lego. Jérôme, voilà. Lui, qui est à l'inverse, qui laisse tout voir, tout transparaître, parce que Jérôme est un mec qui montre tout, qui en fait des caisses, et donc il montre toute son anatomie. Et Jean-Claude, comme tu as dit, lui, le perd son slip carrément. Enfin voilà. La grosse puissance de ce film, on le répète, c'est vraiment les personnages, la caractérisation, la manière dont ils fonctionnent les uns avec les autres. Voilà. Donc c'est vrai que sociologiquement parlant, la thématique du slip et des sous-vêtements en général est intéressante. Dans ce film, j'allais dire cette série également. Cette phrase est géniale quand même, la thématique du slip. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Thème du baiser. Ils sont spéciaux. Alors attendez, ils osent pas s'embrasser sur la bouche. Je crois que j'avais une théorie là-dessus. Pensez au baiser de Nathalie et Bernard. Ouais. Et de Jérôme et Christiane aussi. Ils ont une façon de s'embrasser. Christiane l'esthéticienne. Ouais. Voilà, je me demandais si c'était générationnel, si on s'embrassait comme ça ces années-là. Ou juste ils flippaient de s'embrasser pour de vrai. Ou voilà, c'était pas franchement un baiser de cinéma. La théorie qui rejoint un peu le film de Pote, c'est que effectivement. S'ils se connaissent depuis très très longtemps, peut-être compliqué effectivement d'avoir. Mais ils sont comédiens quand même. Peut-être qu'ils sont amis avant d'être comédiens. Voilà, D'où ma théorie. Est-ce que c'est pas un effet comique recherché aussi? Parce que quand Jérôme et Christiane s'embrassent, ils savent pas. Vous savez, non, pendant le spectacle, là, ils savent pas. Accentuer la maladresse, le fait qu'ils sont pas faits pour être. Moi, j'ai l'impression qu'ils surjouaient beaucoup. Alors, c'est une comédie, donc ça surjoue un petit peu. Mais encore plus, peut-être, c'est baisé. Ouais. Et peut-être aussi, c'est le fait qu'il y a eu énormément d'improvisation sur le tournage, en fait. Donc, vraiment sorti du scénario, à improviser plein de. Ils étaient tout le temps en train de se chambrer. De se faire des vannes. Pourquoi venez-vous au club? C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Mmh. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'est venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Moi, j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme. J'ai une citation qui prouve que comme quoi c'était les meilleurs potes du monde. Gérard Jugnot qui raconte: on a failli perdre Dominique, elle s'était empiffrée de langoustes à Grand Bassam et s'est vidée sur la plage au retour. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Elle a perdu 16 kilos et sa moquette. C'est pas une belle séquence. C'est ça qu'ils n'ont pas filmé. Ils ne filmaient pas tout le temps, mais ils auraient... Parce que, personnellement, en ce qui me concerne, seul je m'ennuie. Bah voilà, je vous ai tout dit. J'ai noté un mot, mais j'ai écrit sexe. Ah oui, ça parle beaucoup de sexe. Sex and son. Alors voilà, déjà le choix, le générique du début c'est Si Sex and Son de Serge Gainsbourg, et bah c'est pas un hasard, c'est justement, ils annoncent un peu la couleur quoi. Oui, ça va te parler que de ça. Parler que de ça, puis c'est un morceau un peu irrévérencieux à l'époque. En tout cas, ça place le ton du film. Sauf pour Christiane et Jean-Claude, parce que j'ai quand même noté une réplique. Et quand on pense au prix qu'on paye, mon pauvre Jean-Claude, c'est-à-dire qu'il y en a quand même deux qui ont paniqué, qui n'ont pas fait l'amour. Donc Christiane et Jean-Claude qui se retrouvent à la fin et qui pense donc, hein, c'est une thématique, n'est-ce pas, de prostitution finalement, parce que il pensait avoir des rapports sexuels en payant, cette semaine-là. Ils sont tristes, ce sont les gens seuls. Ce qui était un peu le but des vacances, l'été. Oui, mais eux payent et pensaient en payant avoir comme retour une relation sexuelle. Et les contacts humains sont plus faciles, quoi, parce que les gens sont plus disponibles. Je me suis fait une réflexion qui est peut-être idiote, je sais pas, en regardant le film. J'ai associé ce film-là, donc il parle d'un été, enfin, ou de deux semaines au Club Med. 8 jours. Ah, je sais pas, une année de la vie d'un collégien ou d'un lycéen, où tu fais des rencontres avec des garçons, des filles, des rapports qui sont... un peu vrai, un peu faux, mais surtout l'idée de tout ça, c'est quand même de rencontrer des filles, rencontrer des garçons, ouais, avoir des relations, enfin, c'est quand même uniquement autour de ça le film. Et c'est là qui est génial, c'est que la scène de fin nous montre hors champ, il y a un nouveau bus qui arrive, enfin, la boucle est parfaite, elle est parfaitement compée. Donc le film commence avec l'arrivée du groupe qu'on va rencontrer, on va suivre, et on voit pas justement les géos les attendre, et à la fin du film on voit les géos attendre de nouveau, qu'on va du coup pas connaître, ils sont déjà en train de les juger sur leur apparence. Mais on a bien compris, c'est ce qu'ils faisaient exactement avant et c'est ce qu'ils vont faire à chaque nouvelle semaine. Enfin, c'est la boucle est parfaite pour ça. Oui, c'est un truc qui. C'est pour ça qui... j'associe ça au cycle un peu de l'enfance, de la classe, de la 6e, la 5e, la 1ère, la terminale, on s'en fout. Mais à ce cycle-là en tout cas. Tu sais, ici ça marche une semaine comme ça quand t'es bronzé. Moi par exemple, j'ai jamais réussi à intéresser une gonzesse vraiment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Arrête. Tu vas me faire pleurer là. Donc le film a été un succès, fut un succès. Ah, 2,5 millions de spectateurs. De spectateurs. À l'époque, ce qui était bien. Ce qui était bien, bien. Ouais. Bah oui, ce qui a tout de suite les a lancés sur l'écriture d'un nouveau film. Et a fait du bien à Lecomte aussi, non ? Patrice Lecomte, bah oui. Ça lui a fait du bien. Ça lui a relancé sa carrière. Et ça a surtout lancé la carrière de tous les, bah, toute la troupe, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs, ils n'aimaient pas le titre, mais ils ont quand même réussi à imposer un truc, c'est le générique de fin où on voit leur visage. Parce qu'ils étaient totalement inconnus et c'est pour ça qu'on voit leur visage avec leur nom qui apparaît en gros à la fin de tous les acteurs du Splendid pour qu'on les reconnaisse en fait. Parce que c'est les personnes que tu vois souvent dans les films de, je sais plus, Jean-Marie Poiret, tout ça. Enfin, c'est un gimmick de film français que tu retrouves assez. Tout à fait, mais que tu fais avec des acteurs connus. Là, le fait qu'ils soient inconnus, ça a participé après à leur carrière. Il y a ça dans Predator aussi. C'est vrai. Réalisé après, je pense qu'ils avaient vu les bronzés. John McTiernan, c'est un hommage. Oh, c'est rageant ça. Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied, il a pas un jeu fin. C'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Hein. Avec un type plus fort aussi, remarque. On va commencer à aller dans le contexte de l'époque. Certaines remarques qui passeraient plus aujourd'hui ou certains gags qui peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Je dis qu'il y a pas mal de trucs qui ne passeraient plus aujourd'hui. Par exemple, il y a cette liberté-là. Est-ce que tu as des exemples ? Bah oui, on parle d'agression sexuelle tout à l'heure. Agression sexuelle. Pour déconner, voilà. Mais. Camion poète-poète, c'est une agression sexuelle. En 2018, ça se fait pas. On te l'a déjà fait. C'est pas pour montrer que plutôt Bernard est ridicule, c'est pour ça qu'il fait camion poète-poète. Non mais bien sûr, à l'époque c'était pour ça. Mais il est pas ridicule, pauvre Bernard, il tente une blague. Non mais à l'époque c'était une blague. Ok, mais après les époques, elles ont pas leurs mêmes règles et pas leurs mêmes valeurs. Aujourd'hui, tu fais ça à une femme, elle a raison de le prendre très mal. Parce que c'est un film comme ça pourrait pas être produit aujourd'hui. C'est ça. Bah, pas les mêmes vannes. Après, je dis pas que si tu fais poète-poète à une fille, qu'elle rigole ou pas, ça c'est ton problème. Et le sujet n'est pas là. C'est que le film peut pas être produit aujourd'hui avec ce genre de vannes. C'est pas possible. Et avec des phrases genre il me saoule ces gens-là. Voilà. Ah oui, il y a aussi 2-3 vannes racistes. Voilà. Oui, en parlant de genre de. Il me saoule ces gens-là. De contexte. Il est habile le macaroni. Il est habile, le macaroni. N'empêche que c'est. Tu as tout noté, Annabelle. Bah, bien sûr, moi j'ai noté à fond. C'est dans la scène du ping-pong. Bah, dès le début. Mais bien sûr, quand il écrase, il marche sur la balle de ping-pong de Gérard qui a sa mallette. Ah oui, évidemment, elle a pris le soleil. Il y a un fourbon. Ok, vieux, autant pour moi. Non mais bon, en tout cas qu'on se pose la question aujourd'hui, c'est quand même déjà assez triste. Mais je suis pas sûr quand même les 2-3 vannes un peu limite racistes, un peu limite sexistes. Je suis pas sûr que ça soit vraiment l'objet d'un débat aujourd'hui. Je suis pas sûr. Je les trouve pas. Mais c'est un concentré, c'est ça le truc là, c'est que c'est un concentré de blagues racistes, homophobes. Je trouve que c'est pas du tout l'objet du film. Il peut y en avoir une ou deux. Je suis pas sûr qu'elle mettrait en danger la production du film s'il devait se faire. Non, mais le public de 2018 peut juste ne pas trouver ça drôle en fait. Ouais, c'est ça le risque, alors que c'est une comédie. Moi ouais, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. Ça me fait énormément plaisir, ça, tu sais. Que Charlie, tu soulèves quand même une question. Paco Mtielman, qu'on aime beaucoup hein, par ailleurs. Paco, ouais, auteur, essayiste, journaliste, tout ça. Voilà, dit des bronzés. Les bronzés réduisent l'histoire de l'humanité à la recherche du plaisir immédiat. Les Africains n'existent pas. Leur continent n'est qu'un décor pour les obsessions adultérines de l'Occident. On s'y fait un peu peur, mais ça finit bien. Les couples se refont à la fin des vacances. Et comme chez Woody Allen, la continuité du monde bourgeois est aussi inéluctable que le retour des saisons. Il a raison. Et... Ça paraît pas être une critique. Oui, non, mais le film est très cynique. Enfin, c'est une critique. Hein. Il n'a pas revu le film, je pense. Il a raison, mais il n'a pas compris que c'était une satire. pire en fait. Enfin, c'est, à mon avis, c'est ça. Oui, c'est assez évident quand même. On dirait qu'ils reprochent à l'équipe du Splendid, mais je pense qu'ils étaient très conscients de ça. Ils bah, c'est au contraire, conscients. Ils l'ont écrit comme voilà, dans ce but-là en fait. Qui ils parlent d'un groupe, on va dire, de la moyenne bourgeoisie qui, dans le 2, deviendra un peu plus haute bourgeoisie et qui profite effectivement, mais alors pas forcément tout à fait consciemment, mais de ce qu'était le Club Med de l'époque, donc c'est-à-dire profiter de certains villages d'Afrique, de certaines traditions, de certaines choses comme ça. Qui est toujours aujourd'hui comme ça, c'est toujours aujourd'hui comme ça le Club Med. Et oui, d'ailleurs, anecdote, le Club Med a refusé qu'il soit cité dans le film et que du coup, c'est pas tourné dans un Club Med, c'est tourné dans un truc concurrent. Pelletier ! Georges Pelletier ! Les assurances à Séquanaise ! T'étais au service des sinistres, moi j'étais au second ! Oh, c'est marrant ! Oui, c'est marrant. Là, on va rentrer dans quelque chose de plus intime. Je parle pas de votre bungalow. On va parler de votre rapport un peu avec le film. Parce que si on en parle ce soir, c'est quand même qu'on l'aime beaucoup. On l'avait déjà vu avant ce soir. Oui. Une ou deux fois. Oui. Vite fait, comme ça, en passant. 50 000. Sans faire exprès. Ah, y'a une bête ! Y'a une bête ! Attends-moi, y'a une bête ! Toi, Clément, par exemple, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu ce film ? Ouais, c'était en été. Et ça rajoute aussi au contexte, parce que comme ça se passe en été et que bon, c'était dans le sud de la France avec des cigales et tout, et que là, quand on... Enfin, il y a certaines scènes qui se passent dans ce contexte-là. Moi, ça m'a marqué parce que ça me faisait un petit peu penser. Et c'était l'été, on était en maillot tout le temps. C'est le même maillot que Christian Clavier. Bah, après, c'est devenu un gimmick, mais oui, j'ai souvent fait ce costume. Enfin, bref. Et, ce cosplay. Voilà, j'ai... Non, j'ai découvert en famille avec mes cousins, mes cousines. On se le passait en boucle. Donc, un peu comme Star Wars, le truc est très, très, très. Ah, tu le mets au même niveau que Star Wars. Non, faut pas garder connaît, mais voilà. Et on dit quand même le mot Star Wars dans ce podcast. Je le place tout le temps. Bien joué. Non, mais voilà, il fait partie de la collection, quoi. Non, mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Je sais pas si c'était la toute première fois, mais j'ai un souvenir aussi de Cousinade, un petit peu comme Clément. C'était un film qu'on regardait avec mon frère, ma cousine, mon cousin, voilà. Et c'était fantastique, on descendait plein de bouffe et plein de goûters, et on regardait les bronzés à n'importe quelle époque. Et c'était vraiment génial, on connaissait toutes les répliques par cœur, donc ça servait à rien de le regarder en soi, mais c'était toujours aussi drôle à chaque fois, et ça a bercé notre enfance. Tout à fait. Et pourquoi pas une partouze aussi tant que t'y es ? Oh non, quelle horreur! Ma première fois avec les bronzés, je m'en souviens pas. Mais tu t'es tapé tous les bronzés! Mais bien sûr. Mais je me rappelle très bien la VHS, je me souviens où est-ce qu'elle était, qu'il fallait absolument pas enregistrer dessus, que c'était. Oui. C'était enregistré à la télé, c'était pas acheté, c'était enregistré. Non, ça devait être enregistré à la télé, ouais, je pense qu'on n'a pas acheté la cassette des bronzés, j'ai pas le souvenir. Mais sur FR3. Ouais, c'est ça, ouais. La version FR3. Mais j'ai le souvenir de la cassette VHS, effectivement, qu'on ressortait à peu près tous les 6 mois, ouais, pour la regarder. Ouais. Mais la première fois, non, je m'en souviens pas. Un rythme normal, quoi, tous les 6 mois, les bronzés à peu près. Non, finalement, j'ai décontracté, elle s'est détendue. C'est super, mais moi, c'était. Moi, bizarrement, j'ai découvert les bronzés très très tard dans ma vie de cinéphile. Alors, parce que chez moi, le film culte, c'était Les Bronzés font du ski. Ah, mais alors, oui, alors effectivement, mais on n'en parle pas ce soir. Mais non, mais la prochaine fois, mais il y a eu un peu. Parce que moi, en fait, je savais pas qu'il y avait Les Bronzés. Je connaissais Les Bronzés font du ski que j'avais vu un milliard de fois. Et un jour, mais genre, c'était genre à la fin de l'adolescence. On m'a appris qu'il y avait un préquel, quoi. Putain, il y a un truc avant Les Bronzés font du ski. Moi, j'avais toujours pris Les Bronzés font du ski comme on m'avait dit, ah, c'est la meilleure comédie française, c'est sur le ski, ça se passe aussi. Et je savais pas qu'il y avait un truc avant. Ah bon, dans un Club Med et tout, l'été, mais ça va être ouf. Et alors, je cache pas que quand je l'ai découvert la première fois, j'étais un peu déçu. Mais maintenant que je l'ai revu plusieurs fois, je vois les qualités de ce film, mais je vouais tellement un culte aux bronzés font du ski que quand j'ai vu pour la première fois Les Bronzés, j'étais un poil déçu. Mais alors moi je te rejoins un petit peu parce que moi c'était quand j'étais petit, mais j'étais sûrement trop petit. C'est mon père qui regardait ça, et je regardais avec lui et je comprenais pas du tout tous les trucs, les allusions sexuelles, j'étais trop jeune je pense. 4 ans, c'est ça, ouais. Non, mais peut-être j'avais moins de 10 ans en tout cas. Du coup je suis passé à côté de plein de trucs, quand même, mais beaucoup ça à base pas de blagues de beaucoup. Cul quand même. Ouais, il y a beaucoup de blagues. Et racistes. J'avais déjà vu Les Bronzés, mais c'est Les Bronzés font du ski qui m'ont beaucoup plus marqué sûrement à l'époque j'étais plus grand du coup quand je l'ai vu c'était beaucoup plus tard. Ouais, je suis d'accord avec vous, moi c'est vrai que celui qu'on regardait le plus c'était Les Bronzés font du ski, mais je pense que finalement Les Bronzés c'est le film de la maturité, c'est celui qu'il faut avoir vu après. Ah, dans ce sens là oui, dans le sens où on pour il mieux a apprécier les personnages. Il a été fait en premier, mais on n'était pas prêt pour les regardistes en tout cas. Ouais. Ouais. Vous me gardez ma place là, je vais chercher des pêches. Moi j'ai juste une question pour tout le monde, est-ce que donc personne n'a été en club ici? Bah si, moi plusieurs fois. T'as été en club? Ouais, fermé. affirmatif. Ma sœur était TGO. Ah oui, donc t'allais la voir. Tout à fait. Donc j'ai vu les coulisses et les GM. Popeye et Bobo sont très représentatifs de ce que sont les GO, quoi. C'est des gens qui ont une formation vite fait professionnelle et qui la proposent au Club Med et qui initient aux gens, donc je sais pas moi, au karaté, à la plongée, machin. Et ils font des spectacles le soir, donc il y a beaucoup d'artistes, de comédiens qui font du Club Med. Juste pour finir là-dessus, alors, ma soeur a rencontré son mari de l'époque, qui est devenu le père de ses enfants, au Club Med, ils étaient tous les deux GO. Ah, donc ça ne finit pas non plus qu'en baise. Hein. C'est le Tinder de l'époque. C'était, voilà. On dit que le club, c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire. Ils abolissent l'idée d'argent. C'est-à-dire que tu arrives au club et tu payes pas 5€ à un coca. Tu donnes un ticket rouge et 3 tickets verts. Et c'est vrai que pendant une semaine, tu t'oublies l'argent. Tu dis, allez, vas-y, des tickets. Alors que t'as dépensé 1500 francs. Ouais. C'est l'infantilisation des gens, quoi. On parlait plusieurs fois pendant le film. On dirait des enfants, ils ont des corps d'enfants, ils ont des démarches d'enfants. Enfin, c'est ça. C'est les régressifs. Tous. Ouais. Ils passent pour des petits-enfants complètement. On s'oublie. Là-bas, on s'oublie. À Galas Mondial. Pas d'initiation à l'école, j'aurais plus une colonie de vacances. Oui, c'est un peu. Là où je voulais en venir, ouais, c'est la même chose. Salut Jérôme. Salut. Vous amenez le soleil. Vous amenez le soleil. Il nous a amené le soleil. Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Mais faut essayer de pas me déranger pour des bricoles quand même. Hein. Je suis en vacances. Merci. Pourquoi c'est drôle les bronzés là? Bah, les personnages, hein, je vous ai assez saoulé avec ça. Personnages super bien définis et surtout qui s'opposent à chaque fois, qui sont bien choisis à chaque scène. Ils choisissent pas n'importe qui pour être en face de la vanne. C'est toujours le personnage opposé, totalement opposé à l'autre. Et c'est pour ça que les scènes. Des conflits et des vannes et des situations. Et des oppositions de style. Et de la provocation aussi, je trouve. C'est ce qui est drôle, ouais, je suis d'accord avec Sartman, c'est les persos. Après, dans l'humour, c'est hyper provocateur. Je trouve, bon, oui, l'humour, le cul, machin, ça fait rire tout le monde. Les blagues racistes aussi. Mais la provoque, quoi. Je trouve qu'ils sont quand même super provocateurs. Et puis, ça fait rire. Ouais. Et puis, comment ils évoluent, effectivement. Tu peux trouver un personnage sympathique et 5 minutes après, ça va être le pire des connards. mais sûrement un peu comme toi dans la vie. Je te regarde dans les yeux. Oui, tu me dis ça à moi, non, c'est un toi général. Enfin, toi, t'es un connard, quoi qu'il arrive. Oui. Mais toi, n'importe qui peut passer du connard au mec vachement bien. Enfin, voilà. Et eux, c'est un peu ça. Mais malgré tout, individuellement, on n'est pas attaché particulièrement, je trouve, à l'un ou l'autre. Hein. Je trouve que c'est la grosse force, c'est la juste troupe, après, quoi. Il fait un truc absolument immonde, je trouve. C'est subjectif, ça. Parce que moi, Nathalie m'a beaucoup... presque ému la première fois que je l'ai vu. J'ai fait beau femme, quand même. Excuse-moi. Ah non, mais c'est pareil, j'allais dire que je m'étais attaché à Nathalie parce que quelque part, on voit bien, elle est triste. Et maintenant, on est adulte, on le regarde différemment ce film, mais on voit bien que c'est un couple qui va mal et qui se déchire. Ouais. C'est pas marrant du tout, quoi. Et mais moi, je la trouve méchante à certains moments. Toi, t'es sensible. La coupe de cheveux là, oh là là. Comment elle se moque de Bernard. Enfin, Bernard, il est pas tout blanc quand même. Évidemment. Bah, il est con aussi, ce Bernard. Hein. Déjà, il a une moustache. Voilà. Ils sont tous un peu cons, on est d'accord là-dessus, je crois. Popeye étant le roi. Mais cons comme on aime. Voilà. Mais cons comme on aime, exactement. C'est peut-être une bonne raison pour une méfiance. Ils sont cons, mais on les aime quand même. Mais on les aime. Parce qu'on se retrouve en eux, quoi. Voilà. Là, je vais vous présenter mes camarades musiciens, n'est-ce pas? Alors, il y a Christian Clavier. Bonjour. Il y a des toilettes. Hein. Michel Blanc. Oui, comédien, dit un tel. Marianne Chazelle. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute. Et n'est-ce pas le grand, comment tu t'appelles toi, hein? Thierry Lhermitte. Pour l'adresse, elle voulait dire chez elle. Ça a planté des archétypes, ce film. Enfin, maintenant on dit, tiens, ce mec c'est un Popeye. Oui, c'est un Jean-Claude Duss. Tu vois Jean-Claude Duss à bronzer, bah ce mec c'est pareil. Ouais. Tu vois, voilà, ça pose. Ça c'est intéressant parce que je crois que c'est exactement ce qu'ils ne voulaient pas eux. Enfin, ils ont fait les bronzés pour du ski parce qu'ils étaient obligés, contractuellement. Et je pense que ça leur faisait plaisir aussi. Mais ils avaient peur d'enfermer leur personnage. Oui, c'est pour ça que prochain film, ils sont partis sur d'autres sujets, ils ont fait des nouveaux personnages. On aura l'occasion d'en parler dans ce podcast. Ah bon, chouette. Hé hey Gigi, tu viens manger, il y a du poisson. Hé, hey, c'est délicieux, c'est de l'arrêt. Qu'est-ce qu'elle a? C'est ça qui me marque le plus, finalement, c'est que c'est un film de copains et ça se voit en tant que c'est leur premier film. Et puis Les Bronzés, finalement, c'est un peu comme ce podcast. Ce premier film n'est pas parfait, mais on le fait tous ensemble. Et c'est ça qui est beau, quand même. J'aurais un autre slogan, ce podcast, il n'est pas parfait, mais on voit la bite de Christian Clavier. C'est pas faux. Oui, j'avais également pris des notes là-dessus, mais je n'ai pas osé en parler. On va en faire plaisir. On se retrouve à Val d'Isère. Toutes les excuses sont bonnes pour regarder des films du Splendid. Bah, et puis ça fait quoi 6 mois qu'on n'a pas regardé Les Bronzés font du ski, donc il est temps d'y aller. Dans Les Bronzés font du ski, j'ai exigé d'avoir le premier rôle. Sinon, je m'en vais. Il me charrie. En tout cas, merci Annabelle, merci Charlie, merci Clément, merci Sartman. On va tous retourner à notre case. On retourne dans notre case et Bigarou. En attendant, si ça vous a plu, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, des commentaires. Des pouces. Donc on est partout sur les internets. Merci à tous et à très bientôt sur Radio Galawasulta. Bonjour. Ou le Splendcast, ou le Splendidcast. Je t'en prie, Thérèse. Ou les bronzés sans des ordures. Voilà, merci. Salut. Bien, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en notre compagnie. En tout cas, nous, oui. Et je vous signale que la semaine prochaine, l'invité de FR3 sera Michel Morgan. Oh, bah tiens, je viendrai, ça me prend une balade. Tiens. Voilà, bonsoir. Qu'est-ce que...